the Global on Catalyst, Fridays, 9 a.m. on KFAI, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 à Saint-Paul, radio sans frontières. Moi, je suis Caril. Et moi, je suis Olaf. And I must take a few seconds to thank all of you. It is so good to be back after a much too long illness. And we had wonderful people to help us out as engineers. And for the first week, I believe his name was Mr. Oh, my goodness. Was it Meyer, I think. And then for all the engineers, and his wife was here. They did the whole show. Thank you so much. Thank you. I really appreciated that. And then we had Eva from Corazon Latino, who was an engineer. We had Louise, our dear friend Louise, who did the show all by herself with the help of engineer Eva. And then we had Angelica, wasn't it? Angela, yes. Angela, who was engineer for several times. And Olaf, thank you so much for doing the whole show alone, Olaf. Merci mille fois à tout le monde. And my goodness, am I glad I'm back. Well, we certainly are very pleased that you're back. Oh, et moi aussi. Et on ne va pas tarder avec de la musique. On commence avec des classiques. Et on va écouter d'abord Charles Trenet, qui va vous chanter La mer. Mais le titre qu'on a donné, c'est Devant la mer. Et ça va être suivi par Edith Piaf, l'accordéoniste. Voilà, Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à berger le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. De joie et triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. Fille de joie et seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par l'eau, elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez la musique. you like KFAI? Tell your friends to like us on Facebook. Tag KFAI in your status update. Thanks for tuning in and logging on to your online community radio, where I'm just president of my dark little apocalypse, and I approve this message. Wondering how you can stay on top of all the latest KFAI news? Follow us on Twitter at KFAI FM Radio for up-to-the-minute announcements. Facebook users can search for KFAI to find our fan page, where we post upcoming events, program guests, and promotions. And don't forget to subscribe to our videos at youtube.com/user/KFAI Radio. So we are returning to some of the old, of the classic, of the old standbys for the first part of our program. So what you heard first was Charles Trenet in La Mer. That's his signature song, really. And he sings about the white caps in the summer, about their cottages around the sea, the clear bays along which they can, when they can swim and walk with his love. And then the cattails in the kind of bays adjoining the ocean. So he is totally enamored with the sea, with the azure blue mare and sea and ocean. And he says, it's in my heart, and that is where it's going to be for my entire life. And this is his song. When you listen to his song, that must be true. He really is putting everything into that song. The second one is a little bit more sad. This is Edith Piaf in L'Accordéoniste, the accordion player. And it deals with a lady of, what should I say, somewhat dubious repute. And she is standing at, whenever she gets off of her work, she goes to a little bar. In this bar is a accordion player, and she is so enamored with him, she dances with him. He plays the java, the traditional, what is it? It's a kind of in between a polka and a waltz. I mean, the traditional dances that were played in the outskirts of, or the surroundings of Paris, or in the quartier un peu ouvrier. And so she dances, she doesn't even have to look at her feet, she dances around. And then she has her dreams, of course. One day they will buy a bar, he will be the bartender, she'll be the cassière, which you often see in France. I mean, the woman sits at the cash register and collects your money, and the husband mixes the drinks or pours the drinks. And this is her dream, but this dream is shattered. Her accordion player goes off as a soldier in the war, and as you might guess, he never returns from the war. So then the last time she goes out and she hears a new accordionist, and she gets totally upset and starts whirling around like mad. And then, of course, the end of the story is she cries out, stop the music, stop the music. And it's kind of a sad story. Merci, Olaf. Another huge thank you to Miguel Vargas. Miguel is our program director here at KFAI. A wonderful job he's doing. But when we needed an engineer, someone to come in and do controls, he was right there. And he was here when Louise was doing the show alone, and I was homesick. So, Miguel, gracias, merci. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, Yves Montand, avec « Ainsi va la vie ». Et je crois que vous allez voir que c'est tôt dans sa carrière, parce que sa voix a changé plus tard. Quand vous écoutez pour la première fois, vous direz « Ah, c'est pas mon temps, mais c'est, oui, c'est lui ». Ça va être suivi par Charles Aznavour, qui a écrit la plupart de ses chansons lui aussi. Il va vous chanter « Amenez-moi ». Yves Montand d'abord. Thank you. Ainsi va la vie, ainsi va l'amour, ainsi vont les jours, ainsi vont les nuits, apportant des joies, apportant des pleurs. Je n'aime que toi, adieu mon bonheur. On est ému, on aime, on rit, on chante. Ce ne sont que serments et que soupirs. Et puis le lendemain, la joie s'absente. Il ne reste plus rien qu'un souvenir. On chante le jour, on pleure la nuit, ainsi va l'amour, ainsi va la vie. La vie est comme une chansonnette, bonheur et chagrin y sont mêlés. Aujourd'hui le ciel donne une fête, mais demain le temps sera voilé. Ainsi va la vie, ainsi va l'amour, tout le long des jours, tout le long des nuits, apportant des joies, apportant des pleurs. Je n'aime que toi, adieu mon bonheur. On est ému, on aime, on rit, on chante. Ce ne sont que serments et que soupirs. Et puis le lendemain, la joie s'absente. Il ne reste plus rien qu'un souvenir des chansons le jour, des larmes la nuit. Ainsi va l'amour, ainsi va la vie. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont, Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la, la. Yves Montand et Young Yves Montand sang for you Ainsi va la vie, Thus Goes Life. And of course he sings Thus Goes Life in love, the days, the nights. You today I bring flowers, tomorrow I weep. I love only you, but then again, thus goes life, things happen. And the next day you have remorse. So he is singing about this day you sing during the day, you weep at night. And but anyway, I mean, this thus goes life, or that's life. Then Charles Aznavour in Amenez-moi, Take Me Away. And he sings, this is a fantasy song about he's watching in the port city, he's watching the sailors move around in the bars. He's watching the boats coming in. And all he says is, I just want to go to some other place. I think that misery, he feels like he is in misery, but he feels like misery under the sun and under blue sky is much more, you can much more tolerate it than in under the dark skies of the north, which he says. I only know the skies, the northern skies, which are kind of gray. Well, they can also be blue sometimes, but anyway, not like in the tropics. Take me to some magic lands. And that's his big dream. And when the bars close, the sailors go back on their boats, and he sits around the street and just fantasizes about how he would leave this place and go to all these magic lands. We'd love to hear from you. Our number here in the studio is 612-341-0980. That's 612-341-0980. Call when the music's on. Alors, on continue avec Charles Aznavour. Oh, je n'avais pas mis mon microphone, pardon. That number again, if you'd like to call us, is 612-341-0980, while the music's playing. Alors maintenant, on continue avec Charles Aznavour qui écrit toutes ses chansons. Il va vous chanter maintenant deux de ses propres chansons. Et la première en est « Et moi dans mon coin ». Suivi par Hier Encore. Alors, Hier Encore était chanté en anglais aussi, mais je ne me rappelle plus le titre. Mais on commence avec Et moi dans mon coin, Charles Aznavour. Programming on KFAI is sponsored by DEX, your source for thorough and up-to-date local information. In the book and online at DexKnows.com. What you need, when you need it, Dex Knows. ils t'observent du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque toute chose. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couve fiévreusement. Toi, tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Lui te regarde furtivement. Toi, tu bavardes trop librement. Lui te courtise à travers moi. Toi, tu te grises, ris aux éclats. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, j'ai le cœur au bord des larmes. Et moi, dans mon coin, je bois mon chagrin, car l'amour change de main. Oh, non, non, c'est rien. Peut-être un peu de fatigue. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, non, j'ai passé une excellente soirée. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Well, two more Charles Aznavour. The first one is a little bit mysterious. The title is Et moi dans mon coin, Me in my corner. And it's not totally clear what this is all about. Apparently, it's about he is invited to some place, possibly where he at one time may have been in love with the lady, but she is apparently married to another man. And they sit there, the two men sit there and kind of observe each other, du coin de leur œil, kind of in secret. So he looks at him, and the gentleman kind of observes him. And he doesn't say very much, and this is a very strange kind of evening that they're passing. He kind of regrets that he actually has spent all his years without meeting her. But the entire song is quite mysterious. And at the end, he leaves. So that's the clue that it must have been some kind of a dinner party or some kind of an evening party. And he leaves and says he had a very good time, which obviously is not true after if you've heard what he sang before. The second one is again a little bit nostalgic, and the song is Hier encore, yesterday still. And there he regrets the fact that when he was 20 years old, he regrets his 20 years. He played, he wasted his time, he didn't finish his projects, he criticized the world but didn't do very much, and now his friends are dead, they won't come back, they are not around him anymore. So he really regrets the age of his persona when he was 20 years old. So that's kind of a somewhat sad song. Is this one of his very recent songs? Because oh non, je crois que c'est lointain. C'est très célèbre ce hier encore. Je ne crois pas que c'est. Ah non, mais pas parce que lui il a plus que 80 ans. Maintenant, je crois qu'il en a 87. 7 ou un truc comme ça. Il joue encore. Évidemment. Il donne des concerts. Évidemment. Maintenant, il fait aussi des chansons qui sont un peu plus philosophiques qu'avant. Mm-hmm. Ce qui vient avec l'âge. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, il fait un concert qui est... la publicité dit que c'est le dernier concert de Charles Aznavour. Mais après, il dit, ah non, ce sont mes agents de publicité qui ont fait ça. Moi, je ne suis pas prête à quitter. Donc, il va faire des concerts encore, hein? Même à son âge, oui. Il est en pleine santé, je crois. Tant qu'il peut, tant oui, mieux. Pourquoi pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Oh, Marie Laforêt. Marie Laforêt. Elle va vous chanter « Je voudrais tant que tu comprennes. Je voudrais tant que tu comprennes. » Et ça va être suivi par « Mène Montparnasse », Marie Laforêt. Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir, que l'on peut avoir de la peine. et semblait ne pas en avoir. Le cœur blessé encore sourire, indifférent apparemment au dernier mot qu'il faut écrire lorsque finit mal. Je ne sais pas si elle est canadienne ou pas. Un roman. L'âme est perdue, sauver la face, chanter des larmes plein les yeux, et dans un univers de glace, donner l'impression d'être heureux. Je voudrais tant que tu comprennes, puisque notre amour va finir, que malgré tout, vois-tu, je t'aime et que j'ai mal à mourir. Malgré tout ce qui s'est passé, que je t'aimais plus que moi-même et que je ne peux t'oublier et que je ne peux. Je prends ma place dans le dernier métro. La rue de Rennes est une terre fertile. L'île est vilaine, une banlieue du Brésil. Je t'aimais comme une bossa nova, entre deux verres de batida. Mais le carnaval est terminé, j'ai remis ma guitare au monde qui était haut. Je t'aimais comme une bossa nova, entre deux verres de batida. Mais le carnaval est terminé, j'ai remis mon amour au monde qui était haut. Même Montparnasse, Rio de Janeiro, je n'ai pas eu l'audace d'un grand guerriero. De la tour, je domine les plus grands magasins. Je vois dans les vitrines console de mon chagrin. Je t'aimais comme comme une bossa nova. Entre deux verres de batida. Mais le carnaval est terminé. J'ai remis ma guitare au monde piété. Oh, je t'aimais comme une bossa nova. Entre deux verres de batida. Mais le carnaval est terminé. J'ai remis mon amour au monde piété. Oh, je t'aimais comme une bossa nova. Marie Leforest et gave you tout. Je voudrais tant que tu comprennes. The first song. This is a song about the love that apparently has gone awry. She is still very much attached to the person that she's going to leave. But she says, "I would very much like that you understand why I'm leaving. That I'm leaving tonight, and." You need to understand, I mean, we're in this icy universe, and our love has simply ended, and forget everything. So whoever the guy is, I mean, he has to try to understand. It's a very elegical kind of song, very soft. The next one is more fantasy. It's the title is Maine Montparnasse, and which is a metro station in Paris. Actually, a metro station where they had the first skyscrapers in Paris against a lot of protests. I mean, because they were higher than the Dôme d'Invalides and etc. An aberration, the Parisians thought. Anyway, Maine Montparnasse. She is taking the last metro, probably working there, and then she thinks her escape is that she thinks. She would like to go to Rio de Janeiro, and she would like to sing and dance and play the bossa nova. So she sees all the shops in these big buildings, and the windows, and hopes that she can somewhere or other get away from her own sorrow, and that she will think she can do by playing the bossa nova. Which you heard, I mean, the beats there were beats in between, yes. Well, if you like to dance, you will have a chance to dance. Ballroom Dance Night with Mark Stillman and Francine Roche. That's coming up Wednesday, December 12th. That's this Wednesday. That's tomorrow, yes. Tomorrow night at the Minneapolis Eagles Club. The address is 2507 East 25th Street in Minneapolis from 8 until 11. Francine and Mark were on our program before, and we've played their music here. Great, great for dancing. International favorites, too. Here's a couple of more announcements. There's a strange film now playing at one of the Landmark Theaters. I think it's the Edina right now, called Holy Motors. Do not know the translation in French. It's a very unusual film. It's even bizarre, as some of the critics have said, but fascinating. And it starts out with it's over the course of a single day, Monsieur Oscar travels by limousine around Paris in a series of 9 so-called appointments, transforming into new characters or incarnations at each stop. In the morning, he's transported by his driver, his trusty chauffeur, Céline. He begins as a captain of industry. Then he becomes a gypsy crone begging for spare change on a bridge over the Seine. Inside a digital production facility, he's a ninja warrior transformed by cutting-edge technology into a reptilian sex god. Next, he's a gibberish-spewing troglodyte who kidnaps a fashion model from a photo shoot in Père Lachaise Cemetery, and on and on and on. This sounds really bizarre, doesn't it, Olaf? Well, but I mean, it's had rave reviews. Absolutely wonderful. The director is Léos Carax. The cast includes Denis Lavant, Edith Scob, Kylie Minogue, who is a singer from New Zealand, Eva Mendes, Michel Piccoli, I think best known in the United States for his appearance in this La Cage aux Folles, and other well-known ones. It's brand new, and it's playing now at the Edina Theater. So Piccoli is in there. Yes, he is. Yeah, he's still... Big stars. He's still going. He's still going, yes. And a great actor. And probably the film is worth seeing simply with Piccoli. Here's some other things coming out of the Alliance Française. The Fondation Alliance Française in Paris is announcing it's organizing its annual international photo contest. The Alliance Française from chapters from around the world will submit two photos from a local artist who will be reviewed by an international jury. So if the theme this year is Métier du Monde, Jobs of the World, and the prize, my international winner will be awarded a one-week trip to Paris. So if you have some kind of interesting photograph on the theme Métier du Monde, Professions of the World, send it in to the Alliance Française. Or call them first and get specific things. Their number is 612-332-0436. I'm sure they will want you to have a certain format. Register for winter session, January 7th through March 16th. Early registration discount available until December 15th. You can learn grammar, you can practice and reinforce your skills in a conversation class, review courses, wonderful things to learn. Here's a one-day workshop on Saturday, December 15th from 1 to 4, Les Desserts de Fête. So do learn more than simple sugar cookies for this season. Make French desserts with Damien to celebrate the season. Try your hand at preparing des orangettes and indulge in a slice of bûche de Noël, Christmas Yule log. What else is going on here? Oh, Apéro en Français, a French conversation group, will meet Thursday, December 13th from 6 to 7:30 at the University Club, 420 Summit Avenue in St. Paul. And that's a good chance to use your French and also to meet some other people and who can with whom you can speak. The Cinema Club, Ciné Club, L'Horloger de Saint-Paul, the watchmaker or the clockmaker of Saint-Paul, Friday, December 14th at 7 p.m. at the Alliance. It's free and open to the public, and there is free parking available across the street from the Alliance Française. If you are a member of the Alliance Française, you can receive a special member discount for treats from Sofitel's Petit Marché. They're offering their Bûche de Noël Christmas Yule log at a discounted rate from December 1st through the 31st. Chez Arnaud is also offering this. His are the Bûche de Noël, but there's two varieties, the almond and chocolate one and the vanilla, raspberry, and passion fruit one. Plus, they will be receiving a $10 gift card with a purchase. The King's Day Fête des Rois will take place January 12th at 7 p.m. at, yes, the Cedar Cultural Center. The Café, Dan Newton and the Café Accordion Orchestra will be playing, and you can celebrate and enjoy a piece of the Galette des Rois, and you might even wind up being king for the night. The Cedar Center is a lot of fun if you've never been there. And, well, let's see. Oh, On December 13th at 6:30, a special champagne dinner at the Sofitel Hotel, 5-course wine dinner with champagne pairings, accompanying price. I'll tell you, we're not supposed to give prices on the air. If you want to call me, I can give you that price. And at December 25th at noon, Christmas Day Mass en français at St. Boniface in Northeast Minneapolis. And that's the Père Jules. That's Père Jules. Whom we had as an interviewee. Yes, it was. Yes. Well, I think that's enough for today. And let's get back to some... Oh, one more thing here. I've received information from Terence Gelantier. Gelantier, I guess is how he pronounces his name. Terence is an American expatriate living in Paris. And he earns his living by arranging different things, such as a cruise for people on the Riviera and the Portofino. If you would like to have an apartment in Paris, starting at $525 for a week, give him a call or a email message. Paris Hotels, he will make contacts for you. And he's also a local singer about town in Paris. His website is, well, it's called the Paris Insider. I guess that's all you'd have to do to get it on email. Did you say the rooms start at 500? Well, that's what it says. But for a week? For a week, I'm surprised for $525. That's such not a bargain. There might not be too many of those left. But probably, but I mean that certainly is a bargain. That would be a bargain even in St. Paul and Minneapolis. I know. If it's. I know it. Yeah. So, Terence Gelantier. You'll be hearing more about him. He was here in Minneapolis, St. Paul for a while too. On a du temps pour... on a trois chansons de Paris. Je ne sais pas si on aura le temps de jouer tous les trois, mais je les annonce. D'abord, c'est Camille, une jeune chanteuse, qui va vous chanter Paris, suivie par Alain Souchon, Rive Gauche. Balade le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, Paris, que je te quitte, que je change de cap de capitale. Paris, Paris, Paris, que je te quitte, je te plaque sur le trottoir sale. Ta bouche, bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau, c'est fini. Paris, je le connais trop. Ici je m'ennuie, mais quand vient la nuit, on dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la nuit s'éveille à que je te quitte, que je te quitte. This was Camille and with Paris, Paris, and basically it's a love story, not a love story. It's her declaration of her love for Paris, and she describes the various places in Paris. And then when she's away, she is homesick for Paris, and she's totally taken by Paris. And you saw that, and then she goes into this very animated tap dance whenever she talks about Paris. So this is one. Serious lover of Paris. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis. Eh bien, ça va mieux avec le microphone. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in Saint-Paul, Radio Without Boundaries. And the time now is 9:01. Central time. Central time, yes. Not daylight anymore. And in Paris, it is... Ah, là là, ça c'est 4 du matin? 4 o'clock in the morning, yes. 4 du matin. D'accord. I mean, 4 heures et une minute. Ah oui. Voilà. Faut pas oublier ça. Ça ne veut pas changer de numéro pour le prochain. Well, then... Tant pis. The last time I was talking to Louise, who is a born Parisian, and there are some slang words. I mean, slang is not really the right word. It's not really slang, but there are some argot expressions for time. So the hours were given in plomb and the minutes in key. So if there's anyone who knows exactly how this goes, please call us. Plomb, c'est leads. Plomb is lead, yes, but it's also possibly the leads, you know, when they had clocks that had to be... weighted clocks. Weighted clocks, yes. So so this would be neuf plombes et une quille. But, une quille is actually the pin for game, but so if anyone is up on Parisian argot, let us know exactly what the deal is on this. Ben oui, alors ça change toujours. Bon, maintenant on va continuer avec nos chansons sur Paris, et vous allez écouter Alain Souchon qui va vous chanter Rive Gauche, et ça va être suivi par Henri Salvador, Saint-Germain-des-Prés. Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris viennent vendre leurs amis. toi la nuit. Elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagreco, tous les Morrison, le Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise. Elle s'est fait prendre, elle est prise. Elle va mourir quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. La vie c'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon. Adieu le jazz, adieu la nuit. Un état dans l'état d'esprit, traité par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi. Il fut seul et la lune bleue ferma ses yeux. Petit Indien sommeillait, mais par bonheur une fée sur la rivière enchantée poissons argentés, toute la nuit on nageait, en guidant son canoë léger. Éveillé par un baiser, il se dit c'est la rosée, mais c'était sa bien-aimée. Oui. L'amour chassant les obstacles avait semé des miracles sur le chemin du petit Indien. Well, first you heard Alain Souchon in Rive Gauche, and basically, I mean, Alain Souchon is known for socially responsible songs and songs about the situation, about the environment, about urban spread, and so on. And he sings a very nostalgic song about the Rive Gauche, the left bank, and the place where Prévert, the poet, was the place where music and poetry and art flourished. And but then he sings, he has this fear that it will disappear and that it will be sanitized and urbanized. And I haven't been there for quite some time. I wonder if there's how much there still is. I mean, of the old bouquinistes who were setting up their shops all along the Seine, I mean, for kilometers. Mm. And I can imagine that the booksellers are still there, but Saint-Germain-des-Prés is looking a little more urban. Urban and mm-hmm. Yes. I know there's a big Monoprix there. So, so he may be right. I mean, that he says adieu to all my loves in Saint-Germain-des-Prés and in La Rive Gauche. There used to be a very famous American bookstore on the Rive Gauche. Shakespeare et Compagnie. Yeah, okay, yes. Mm-hmm. I mean, so well. C'est toujours là, je crois. Yes, and that of course, mm-hmm. was not in a bouquiniste case, but it was actually a store. On the other side. Yes. Mm-hmm. So that was Alain Souchon. And the next one we had promised was Henri Salvador in Saint-Germain-des-Prés. All we could affirm is that at least you did hear Henri Salvador, but the song was about a little Indian, I mean, native from his South America, who was taking off in a little canoe, and he's gliding through the waters of the stream and passes through the bamboo forest and to reach his beloved, and then he sleeps under the blue moon. Very nice, very nice. But it's certainly not Saint-Germain-des-Prés. And we have gremlins in the machine that do these kind of things. Mm-hmm. And actually, it's a book by Kirstner called The Ghost in the Machine. This was sometime right after World War II or in those days. But so we have a ghost. We have a little ghost in the machine that sometimes do things that we were not anticipating. Alors, est-ce qu'on va écouter notre conte? Mais oui. On a des gentils petits contes de Noël. Et ce soir, c'est Troubadour de Noël qui vient de la Champagne, la région. C'est bien ça, non? Oui, Olaf? C'est de la Champagne. Oui, c'est mm-hmm. Et Olaf va vous expliquer en anglais. Et puis, on va partager en petites sections pour mieux comprendre. I'll say that in English for those of you who are... All right, so we will hear a story which was... It's one of the typical stories that abound in the various French regions. And this one is from the Champagne region, actually from the county of Champagne. And it's called the Troubadour of Christmas. What we will do is this, it's a nice little story, and I will give a short introduction to each segment. and then we'll listen to the segment in French. The what comments we had from the last time, which was a little long, was that the diction and the pronunciation by the artist who is reading this or is presenting this is absolutely stunning. I mean, so anyone interested in French and just with a little bit of French should be able to understand this because the words are perfectly enunciated. And it's a very nice story. So the story is about a merchant of tissues, of fabrics, and so on. His name is Florent, and he is married to, his wife's name is Madeleine. And he has to travel far in order to bring his products to various counts and various castles, and he has to travel far in order to pick up new fabrics, new cloth, and so on. And his wife, Madeleine, is, of course, terribly worried about him because in the winter you can lose your way and die of cold, and in the winter there are bandits in the forest who may attack you and take whatever you have, including your life. So this story is about those two, and precisely something happened, but not to them, but to around Christmas last year. I mean, from the story's point of view, not 2011. This is somewhere in the 1200s or 1200s. So the Comte de Champagne has sent a messenger to ask people to take three orphans into their care in that particular village, because their parents had been killed by bandits while they came home from market, obviously with the money they'd made. And here the kids were at home and fatherless and motherless. So this messenger asked, but they kind of thought, well, do we have enough time? We have much to do. And they didn't really respond to this, and they've been regretting this ever since. So let's get the first French version. Une petite annonce, a little announcement. Once the mythical Orpheus lived in the Balkans. Experience the enchanting music of this region. Immerse yourself in a fast-paced and complex rhythms. Embrace this unique, fascinating music with Nikolai at Balkan Jamboree. Come, join me every Tuesday from 10 p.m. to midnight here on KFAI. Noël de France. Des contes, des légendes des provinces de France, des coutumes, des traditions se rapportant à la période de Noël. Voici un conte de Noël qui nous vient de Champagne. Il était une fois, il y a de cela des années et des années, en France, dans un village placé sous la protection du baron Arnould, un marchand de draps, Florent et sa jeune femme Madeleine. On ne peut pas dire qu'ils étaient malheureux, car Florent et Madeleine s'aimaient beaucoup. Ainsi, quand Florent partait en Flandre ou en Angleterre pour commander ses laines et ses étoffes, Madeleine n'avait qu'un souci en tête, c'était de voir revenir son cher mari, d'entendre sur les pavés de la cour les sabots de son cheval et les roues cerclées de fer de la charrette bâchée. Les routes sont si peu sûres. En hiver, le gel et la neige vous livrent à la merci d'une nature froide et hostile. Et en été, il n'est pas rare que les arbres, bien couverts de feuilles, cachent une bande de brigands qui pensent plus à vous prendre la bourse qu'à vous laisser la vie. Aussi, Madeleine était-elle toujours fort inquiète quand elle voyait partir son Florent pour plusieurs semaines. Mais quand il rentrait, pour elle, c'était la fête, et dans ses yeux, on ne lisait que la joie. Et Florent donc, comme il aimait sa femme. Au magasin, quand il rangeait et mesurait ses draps, son plus grand plaisir était d'entendre chanter Madeleine dans la cuisine, à préparer le repas, ou dans l'atelier, à découper une robe ou un pourpoint. car elle avait une très jolie voix. C'était d'ailleurs comme cela que Florent l'avait connue. Le jour, ils avaient marché vers Reims dans le groupe des pèlerins. À la tombée de la nuit, elle avait chanté un si beau cantique à la Vierge et aux anges que même les étoiles avaient arrêté leur course, lente, dans le firmament, pour écouter ce chant si pur qui avait l'éclat de leur lumière. Comme il en avait été amoureux ce soir-là, Florent, et aujourd'hui encore, il s'estimait bien chanceux d'avoir épousé une si bonne épouse. Alors non, on ne peut pas dire qu'ils étaient malheureux. Mais tout de même quelque chose d'un peu triste se sentait chez eux, surtout en ce moment-ci à la Noël. Voilà déjà presque un an. Oh bien sûr, ce n'était pas tout à fait de leur faute. Mais enfin, l'année dernière, alors que Florent s'apprêtait à faire le tour des châteaux pour y présenter ses étoffes, un messager du comte de Champagne lui-même s'était présenté au village. Il cherchait de braves gens qui pourraient recueillir chez eux l'un ou l'autre des trois jeunes enfants que des brigands avaient rendus orphelins. Les bandits avaient tué le père et la mère au milieu de la forêt, alors qu'ils rentraient du marché. Et comme leurs trois enfants étaient abandonnés à la maison, ils furent placés sous la tutelle du comte de Champagne, qui était un homme bon et juste. C'est ainsi que le comte envoya son messager parcourir les terres de son vassal, le baron Arnould, pour voir qui pourrait prendre en charge un de ses orphelins. Florent et Madeleine se sont regardés. Oh, ils l'ont bien regretté après. Mais enfin, ça arrive parfois qu'on fasse des choses qu'on ne s'explique pas. Pourtant, ils avaient de la place, mais non, ils n'ont dit qu'ils avaient trop de travail ou quelque chose dans ce genre-là. Après, ils se sont tellement repentis qu'ils en étaient tout tristes. Madeleine avait perdu l'envie de chanter et Florent comprenait bien qu'il ne pouvait plus le lui demander. L'un et l'autre, ils étaient un peu honteux et ils priaient le ciel qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Et voici une chanson de Noël de Troubadour, Le bel ange du ciel. Thank you. et nous retrouvons notre conte de Noël de Champagne. You just heard a Christmas song from Champagne, and now we'll continue with the story of Florent and Madeleine. And this takes place about a year after the they had kind of missed out on taking in this orphan kid. And Madeleine was so ashamed and kind of troubled by this that she never sang anymore. And Florent didn't really want to ask her either. So they were kind of, this was not a happy situation. But now the story continues. And what happened is the following thing. There was a troubadour, a singer, in the castle of Baron Arnoult, and he was kicked out. He was kicked out by the Baron, probably because he didn't want to feed him or whatever. This Arnoult, as you will hear, was a pretty tough customer. So anyway, here is this troubadour sitting in the forest near the castle, and some merchants pass by, merchants who are bringing, merchandise that is typical for Christmas, jewelry, clothes, and so on and so on. And they ask him, "What are you doing here? Has Arnoult turned you out?" But then they are eager to go on, and they ask him questions, and he answers, and they can't understand the language that he speaks. But there is a certain kind of glowing that goes from his face, and that kind of troubles them a little bit, so they take off. But at the last of the chariots, or last of the wagons, was Florent. He turns around and says, "Well, are you cold? Where are you going to stay?" And so then he says, "Well, come on." He didn't really want to go to the Baron Arnoult, because he tells this troubadour, Arnoult, he is worse than the brigands. He's worse than the thieves. He takes your taxes, and you can work and work. The more you work, the more taxes he takes from you. I mean, well, this sounds like a broken record. I mean, we've heard that lately. Anyway, but so he is really complaining and says, "Come." Is glad he's not going to go up to the castle. Turns around, says, "Come on, let's go home, and I'll give you shelter and food." So they arrive. His wife is very happy. Madeleine is very happy because he's coming home earlier than she expected. And then he says, "Well, look here. I have a friend, a stranger, whom we are going to give feed and who is going to have room and board tonight." So she obviously agrees. And let's hear that part of the story then. Et notre troubadour chassé du château. Où voulez-vous qu'il aille se réfugier? Le château est isolé au-dessus de la colline et le village est encore bien loin. S'il se mettait en route maintenant, il n'y arriverait pas avant le milieu de la nuit. Mais qui voudrait l'accueillir à cette heure-là? Et déjà maintenant, l'obscurité a recouvert en bas les bois, les vignobles et les champs. Et la neige triste se dépose sur la boue des chemins qui commence à geler. Mais que se passe-t-il? On entend du bruit. Une troupe d'hommes qui prend la route par ici? Les brigands seraient maintenant si hardis pour s'aventurer auprès du château? Non, il crie trop fort. Des soldats peut-être? Non, des marchands, richement habillés, montés sur leurs chevaux et tirant derrière eux leurs produits précieux. Vaisselle de céramique, dinanderie, bijoux, épices, draps et parfums. Hola, troubadour! Crie le plus gros des bourgeois du haut de son cheval. Tu joues une sérénade aux flocons de neige? C'est vous qui êtes attendu au château? Demande notre homme. Alors les marchands se regardent les uns et les autres, stupéfaits. Mais quelle langue parle-t-il donc? Eux qui avaient parcouru toute l'Europe, de l'Espagne à la Norvège et de Londres à Jérusalem, ils n'avaient jamais entendu parler ainsi. D'où viens-tu? Demande le premier des marchands. Quel est ton pays? Mais notre poète n'a pas pu répondre et, un à un, il a regardé les marchands en souriant. En se voyant ainsi dans une lumière qu'ils ne connaissaient pas, les hommes avaient hâte de retrouver l'obscurité. Allons, passe ton chemin, on nous attend au château. » Le troubadour fit un écart docilement, mais la lumière de ses yeux était bien près de s'éteindre. Les gens sont parfois si méchants et la nuit est si froide. Mais qu'importe du courage. Et quand le groupe des marchands l'eut dépassé, pour se donner de l'humeur, notre troubadour pinça trois cordes à sa viole. Un des marchands était resté un peu en arrière, avec sa charrette bâchée aux roues cerclées de fer. Il était distrait par ce qui venait de se passer. Comment est-ce possible? Et voilà que ces trois notes de musique, oui, il a bien entendu. Il est d'ailleurs le seul à avoir entendu le seul, tant pis ou tant mieux. Et Florent fit faire demi-tour à son cheval pour rejoindre le troubadour. « Oh là, l'étranger, tu vas loin ?» Et sans dire un mot, le troubadour monte s'asseoir sur le banc du cocher à côté de Florent. Il avait bien vite retrouvé la chaleur qui faisait briller ses yeux. « Je ne comprends pas ta langue, » lui dit Florent. « Mais toi, comprends-tu ce que je te dis ?» L'autre n'ouvrait toujours pas la bouche, mais Florent a bien vu dans son regard qu'il était parfaitement compris. « Que faisais-tu ainsi dans la nuit froide ? Le baron t'a chassé de son château, c'est cela ? Il t'a chassé de son château, et tu n'avais rien pour te couvrir. Ah, misère, quel homme méchant ! Personne ne l'aime dans le pays, et au fond, je suis bien contente de ne pas lui présenter mes étoffes cette année. Ce n'est pas comme notre comte de Champagne. Celui-là, c'est un homme bon et juste, mais le baron Arnould est un vilain personnage. Il est aussi voleur que les brigands des forêts. Il nous prend tant et tant de droits et d'impôts qu'il ne nous reste presque plus rien pour vivre. Ah, les temps sont difficiles aujourd'hui, et les gens bien méchants. Il ne bougerait plus le petit doigt pour vous rendre service. » Florent allait poursuivre ses plaintes quand il vit le troubadour pincer quelques cordes de sa viole, puis ce fut un grand silence. On entendait que le souffle régulier de la respiration du cheval et le bruit assourdi des roues sur la neige gelée. C'est le troubadour qui rompit le silence. Il demanda en un français très distinct « Et toi ?» Alors Florent comprit qu'il n'avait même plus à parler pour être compris, et il eut peur. Son cœur se mit à battre très fort. Il pensait à Madeleine, Madeleine qui est si belle et qui chantait si bien. Oh, comme ils avaient été stupides cette fois-là où ils avaient... Mais on ne pense pas toujours, chaque fois, tout le temps, à ce qu'on fait. Parfois des choses vous échappent, oui, ça vous échappe. Mais c'est à eux que c'était arrivé, ils n'étaient pas fiers, oui, vraiment, les gens sont méchants. « Venez chez nous !» dit-il au troubadour. « Il y a si longtemps que notre maison n'a plus entendu de chansons. » All right, so then Florent has picked up the troubadour and they are on their way towards his house. And so when they arrive, Madeleine hears the wagon come in, the covered wagon with the iron wheels, and then he calls out and says, "Look, I have offered this gentleman to stay overnight and to eat with us." And then all of a sudden, the troubadour sang a song and played on his violin. And it was exactly the same kind of song that Florent had heard Madeleine sing when they were on a pilgrimage to the city of Reims, and that had made him fall in love with her. So he was quite astonished, and he told his wife to come out, and then all of a sudden the troubadour disappeared. But here was the cry of a little baby in the wagon that they the troubadour had come with. And it was, and Madeleine ran to the little wagon, and she cried out, "This is exactly, the troubadour is exactly the messenger that was sent last year from the Comte de Champagne. And here's this little child." So now finally, they were, what should I say, redeemed in the sense that she took the child and brought it into the house. Florent wanted to obviously get the horses back into the stable and so on, and he had no time to even talk to her. The baby and Madeleine were in the house, and she was very happy that this finally they had had made it right. So this is the story of that is a typical Christmas story from the Champagne, from the Comté de Champagne, which was a county at one time, and it was governed by the counts of Champagne. But this played in the years from 1100 to 1200 and something. And then after that, one of the heiresses of the Champagne was married to a French king, and then the king obviously took Champagne into the royal domain. Anyway, this is the end of the story. De fait, après quelques temps de route silencieuse, ils arrivaient au village où l'on mettait la dernière main aux préparatifs de la Noël. Et voici déjà la maison. Florent fit rentrer sa charrette dans la cour, entendant le bruit martelé du fer sur les pavés. Madeleine aussitôt avait pris la torche pour saluer son cher époux. Chance, il terminait plus tôt que prévu sa tournée des châteaux. Il serait là pour la fête. Depuis de si longs jours, elle se morfondait sans lui, elle se jeta dans ses bras. « As-tu fait bonne route, mon ami ?»« Oui, mon ami. Et j'ai promis le gîte et le couvert à ce troubadour. C'est un homme de bien. On ne connaît pas son pays. » À ce moment, on entendit, oui bien net, venant de la charrette bâchée, le cri d'un petit enfant. Alors la femme reconnut l'homme. « Florent, c'est lui le messager du comte de Champagne. Rappelle-toi l'an dernier. » Mais à ce moment, le troubadour disparut. On n'entendit plus que sa voix, comme si elle venait du ciel. Et elle chantait sur sa viole « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et ce qui a le plus étonné Florent, c'est que, je vous l'assure, cette voix, c'était exactement celle que Madeleine avait le jour où il l'avait entendue pour la première fois sur la route de Reims. Émerveillé, il voulut le dire à sa femme, mais déjà Madeleine était rentrée à l'intérieur, avec le petit. Eh bien, Olaf, c'était charmant. Oui, c'est très bien présenté. C'était bien là, mais ça nous a mis dans l'esprit de l'Advent et de Noël. Un petit peu. Et oui. Qu'est-ce qu'on va entendre là maintenant? D'abord, une annonce. Ah, d'abord. En effet, deux. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Hello. Tu demandais ce qu'on allait entendre. Ben, on va écouter les moines de Ker Moussa. Alors, Ker Moussa, ça veut dire quoi, Olaf, en anglais? La maison de Moïse. Moses. And Moses' house, I mean, Moses of English, house, of course. Oui. Alors, les moines, à l'origine, sont venus de France, de la ville de Solesmes, en France. Et ça fait ben, 40, 50 ans maintenant, je crois. Plus que ça, peut-être, oui. Plus que ça. Oui. Et maintenant, les moines sont, dans la majorité, ce sont des Sénégalais, parce que c'est assez près de... C'est une trentaine de kilomètres de Dakar. De Dakar. 30, 40, quelque oui, chose comme je ça, je sais oui. que tu l'as visité, hein, oui. que c'était très impressionnant. Donc, ils vont chanter pour vous trois chansons de l'Avent Et d'abord, vous allez entendre un instrumental joué par un instrument qui s'appelle la kora. Et la chanson, c'est dans la langue Wolof. Ça s'appelle Ende Dio Sela Di. La deuxième chanson, c'est Visma. C'est une chant d'aspersion Wolof avec Tam Tam. Et enfin, Je regarde au loin avec chant et deux koras. Benjamin et Manassé, réveille ta vaillance et viens à notre secours. Réponds-nous, l'espoir qui croit et Jésus d'Israël. Porte, levez vos fronteaux et levez-vous, portes éternelles, qui l'offre le roi de gloire. Le Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Je regarde loin et voici, je vois venir la puissance de Dieu comme une nuée couvrant toute la terre. Allez à sa You heard three songs by the monks of Cœur Moussa in Senegal. The first one, well, I mean, Nye Ndiou Seladjul, the other one, Visma, see me, and then, of course, the last one is in French, Je regarde au loin, I'm looking far away, or I'm looking towards a far end. Monastery of Cœur Moussa is a sub-monastery of Solesmes, which is the mother monastery in France. And they are known for singing a cappella and Gregorian chants. And this was then translated to Senegal. And basically what they wanted to do in Senegal was to have more and more Senegalese participate, become monks, become priests, and so on. And actually, the Archbishop of Senegal, Dakar, is a Senegalese. So the idea was to adapt these songs to Senegalese voices and to the native instruments. And the one that stands out, of course, is the kora, which is a kind of a guitar or a harp. I mean, it looks like a guitar, sings like a harp. And that's the particularly instrument that both worldly as well as spiritual songs are presented in Senegal, Mali, and some of the other surrounding countries. So this was to get us into the spirit of the Advent, which already the story did. So here, that's what we, that's at least our contribution to the seasons. Now, I have a couple of just interesting things. Looking at the RFI, at the news and the other comments that come from RFI, one that really struck me was, and I'll read it in French, and it's about a story about gay marriage in Britain. It says, le gouvernement britannique ménage le chèvre et le chou sur le mariage homosexuel. And this is ménager le chèvre et le chou means you kind of try to be on both sides of the fence or sit on the fence. And what this is about is that they, on the one hand, we're agreeing to finally allow gay marriages, but then they have all kind of restrictions in order to please the opposing parts and the Church of England and the Catholic Church. So it's truly sitting on the fence, and you try to please the to please the goat and the cabbage. Because the saying was that the headlines read that the English government was putting together Exactly. Exactly. And basically the story about the goat and the cabbage is one famous little castet, which is you have a goat, you have a bag full of shoe, and you have to go across the river, and I think you also have a dog or a wolf in there, and so how do you get them? What do you do in order to not the wolf eats the goat, and the goat doesn't eat the cabbage? So it's kind of intricate castet, but the expression "ménager le chou et le chèvre" is very French. Okay, so the other one that I have has to do with Gérard Depardieu. He was one of the most significant French actors. But now what has happened? He has departed for Belgium. And A la Une, this is a collection of newspaper commentaries. L'exil fiscal de Gérard Depardieu, the fiscal exile of Gérard Depardieu. And basically, the France is aghast. This is a man who was earning €1.5 million euros for his last appearance in the film. And they say he has a chateau. He has restaurants in Paris. He has even a Japanese restaurant. He has fisheries. He has a vineyard, and all of this. And he goes trying to evade the taxes. Well, that actually is nothing new under the sun, but he is kind of getting a little bit more attention these days than he should have. On the one hand, he rode around the Champ l'Étoile, and then fell off his motorcycle. I mean, small motorcycle, and taken by the police. And another story is that he was in an airplane and needed to go while the airplane was landing, and he just made a fool out of himself and insisted of going to the toilet. And so he has been in the news, but not so flatteringly. Okay, so that's poor. Un peu trop de vin. Ils appellent ça. Okay, and he apparently has 15 or so different companies, and no one really knows how much he really owns. People liked him very much and are very sorry that this all happens. But here goes. Mainly because the new president raised taxes on the upper people in the upper income up to 40%. Even more, yeah. So, well, anyway, we're not in this category. we can stay. All right. No, this is about all I. Patricia Kaas. Patricia Kaas. L'heure du jazz. Ah, j'ai pas mis mon microphone. La dernière chanson, c'est Patricia Kaas et L'heure du jazz. Du jazz, les saxos pavoisent, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker bave, ton âme dans l'extase, une plombe l'heure du jazz, aucun man s'agace. La nuit, heure du jazz, Stewart, elle reste, entend la trompette, le bonheur du jour, le disjockey fou, pas de kind of blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit heure du job de blonde, heure du jazz. Les gigolotoises, les vieux capenas, le diam s'autopasse, sapé en bourgeoise, de plombeur du jazz, faut saisir l'occasion. La nuit, heure du jazz. Rex Stewart, elle reste, entend la trompette, le bonheur du jour, le disjockey fou, repasse kind of blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit, heure du jazz. Attention, l'ardoise. La nuit, heure du jazz. Rex Stewart, elle reste, entend la trompette, le bonheur du jour, le disjockey fou, pas de kind of blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit, heure du jazz. La nuit, heure du jazz. Saxo pavoise, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker bave, ton âme dans l'extase, une plombeur du jazz, aucun man s'agace. La nuit, heure du jazz. Rex Stewart, elle reste, entend la trompette, le bonheur du jour, le disjockey fou, repasse kind of blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit, heure du jazz. Faut dire au revoir, Olaf. Et yes, au revoir. Patricia Cass, avec Patricia Cass, who was talking about l'heure du jazz very languidly. But here we are at the end of our top of the hour and end of the show. And we hope you all have a good time. And we'll see you next week. We won't see you next week, but we will listen to you, or you can listen to us. Yeah, please. Until next week. And we'll sign off with a song by Michel Legrand, French, a great writer for many, many American and French films, classically trained. This is Watch What Happens from the Umbrellas of Cherbourg. Au revoir. Well.